Okay. Psynet, 2007, on n'arrête jamais mon pote. Même qu'on n'est pas là, tu nous entends. Ok, la rue, je la vis, je te parle de ça tous les jours. Tu penses tant que mon son, c'est banal comme un bonjour. Écoutez en bouclette, un petit peu montré du doigt. Pour toutes ces pipelettes, que je boycotte comme ces putois. La rue m'appelle, me perçoit comme ce danger. C'est tendu, m'appelle, comme un dep qui veut changer. Mon quotidien est dur, je m'identifie sur le champ. Mon style, ma voix, je peux en y faire, c'est dans le sang. Pour tous les frelons, attentifs à mes propos. Tout seul au micro, c'est synonyme d'un troupeau. Je descends de la gauve, je lâche une rafale pour mes gars. Les vrais soldats, pas pour ceux qui sont chez K. Les vrais musulmans, les frères en mandat dépôt. Gardez la pêche les gars, et ça c'est pas du pipeau. Les Cro-Magnons qui ne connaissent pas le pétrole. Les Cisrages, les niques, c'est Sartrouville, pas Vitrolles. Imputé dangereux envers tous ces magistrats. Une spéciale pour 9-2, pour tous les sauces à piscra. Un Arnaoui qui fait valoir son talent. J'ai des grosses claouis, je suis toujours polyvalent. La racaille nous veut, viens nous réclamer du son. Dans le rap mon vieux, encombrant comme un suçon. J'suis monté en puissance, une essence prématurée. Même en convalescence, moi les bâtards je les tuerai. J'm'en tape de la frime pour agrandir la répute. Encore Salim, j'ai pas fini, je débute. La concurrence est présente, je veux frapper encore plus fort. Si t'es fort, tu plaisantes, vois-moi, tu n'es qu'un support. Trop de lascar à bois, veulent perturber mon boulot. Tous ont une voix, mais combien ont le culot. Chaque M6 la donne, veut péter plus haut que son cul. Représente les bonhommes, c'est sur ces mots que je conclue. Psynet. Ok, dédicace à moi-même, mon pote.